pas besoin d'un état qui décrète l'heure à laquelle on doit fermer les buvettes. Vienne un jour enfin l'harmonie naturelle entre le tenancier et sa clientèle. On n'a pas besoin d'un guide du chrétien qui nous dresse les portraits du mal et du bien. Vienne un jour enfin le lever des mystères, celui de Bouddha, celui de Rigolet. Un jour l'homme n'aura plus besoin, un jour, des lois qui tracent son chemin. Les flics seront plus superflus que les instincts sur un bout de cul. On n'a pas besoin d'une juridiction, d'avancer au bon point, au coup de bâton. Vienne un jour enfin l'humanité si sage que le foot pourra se passer d'arbitrage. On n'a pas besoin de service militaire, de se préparer la petite dernière. Vienne un jour enfin l'ultime patriote, homme de Cro-Magnon, terré dans sa grotte. Un jour l'homme n'aura plus besoin des lois qui tracent son chemin. Les flics seront plus superflus que les influx sur un beau cul. On n'a pas besoin de contrat de mariage, de faire certifier conforme nos ménages. Vienne un jour enfin l'amour universel, vertueux par tous heures, qu'importe le modèle. On n'a pas besoin de tous entrer en transe que Big Brother nous impose cadence. Vienne un jour enfin droit à la paresse, l'arrêt des pointeux qui te collent aux fesses. Un jour l'homme n'aura plus besoin des lois qui tracent son chemin. Les flics seront plus que les instincts sur un cul. Un jour l'amour n'a plus besoin des lois qui tracent son chemin. Les flics seront plus superflus que les instincts sur un beau cul. Un jour l'amour n'a plus besoin des lois qui tracent son chemin. Les flics seront plus superflus.